Selon le journal d'internet sud-coréen Tongilius, un bouddhiste sud-coréen a tenté le 7 de s'immoler par le feu en revendiquant la démission de la bande de Bakune et la justice.